Le roman d'un enfant, chapitre 41 à 50. À propos de Limoise, j'ai la vanité de conter un de mes actes, qui fut vraiment héroïque comme obéissance, comme fidélité à une parole donnée. Cela se passait un peu avant ce départ pour le midi, dont mon imagination était si préoccupée. Par conséquent, vers le mois de juillet qui suivit mes 12 ans accomplis. Un certain mercredi, après m'avoir fait partir de meilleure heure que de coutume, afin d'être sûr que j'arriverais avant la nuit, on se borna, sur mes instances pressantes, à me conduire hors de ville. Puis on me permit pour une fois de continuer jusqu'à la Limoise seule, comme un grand garçon. Au passage de la rivière, je tirai de ma poche, déjà avec une indicible honte devant les vieux bateliers tannés par la mer, la cravate de soie blanche que j'avais promis de me mettre au cou, par précaution contre la fraîcheur de l'eau. Et une fois sur les chaumes, lieu sans ombre, toujours brûlé par un ardent soleil, j'exécutai le serment qu'on avait exigé de moi au départ. J'ouvris un en tout cas. Oh, je me sentis rougir. Je me trouvais amèrement ridicule quand une petite bergère était là, tête nue, gardant ses moutons. Pour comble, arrivaient du village 4 garçons, qui sortaient de l'école sans doute, et qui de loin me regardaient avec étonnement. Mon Dieu, je me sentais faiblir. Aurais-je bien le courage vraiment de tenir jusqu'au bout ma parole ? Ils passèrent à côté de moi, regardant de près, sous le nez, ce petit monsieur qui craignait tant les coups de soleil. L'un dit quelque chose qui n'avait aucun sens, mais qui me cingla comme une mortelle injure. « C'est le marquis de Carabas !» Et ils se mirent tous à rire. Cependant, je continuais ma route sans broncher, sans répondre, malgré le sang qui m'affluait aux joues, me bourdonnait aux oreilles, et je gardais mon en tout cas ouvert. Dans la suite des temps, il devait m'arriver maintes fois de passer mon chemin sans relever des injures lancées par de pauvres gens ignorants des causes, mais je ne me rappelle pas en avoir souffert. Tandis que cette scène, non, ma conscience ne m'a jamais fait accomplir rien d'aussi méritoire. Mais je suis convaincue, par exemple, qu'il ne faut pas chercher autre part l'origine de cette aversion pour les parapluies qui m'a suivie dans l'âge mûr. Et j'attribue au foulard, au calfeutrage, aux précautions excessives dont on m'entourait jadis, le besoin qui me prit plus tard, quand vint la période des réactions extrêmes, de noircir ma poitrine au soleil et de l'exposer à tous les vents du ciel. La tête à la portière d'un wagon qui filait très vite, je demandais à ma sœur, assise en face de moi, « Est-ce que ce ne sont pas déjà des montagnes ?»« Pas encore, » répondait-elle, ayant toujours en tête le souvenir des Alpes. « Pas encore, de grandes collines, tout au plus !» La journée d'août était chaude et radieuse. Un train rapide de la ligne du Midi nous emportait. Nous étions en route pour chez nos cousins inconnus. « Oh, mais ça, voyons !» repris-je avec un accent de triomphe, apercevant de mes yeux écarquillés quelque chose de plus haut que tout, qui se dessinait en bleu sur l'horizon pur. Elle se pencha. « Ah ! » dit-elle. « Oui, cette fois, par exemple, je t'accorde. Pas très élevé, cependant. » Mais enfin, tout nous amusa. Le soir à l'hôtel, dans une ville où il fallut nous arrêter jusqu'au jour suivant. Et je me rappelle la nuit splendide qui survint, tandis que nous étions accoudés à notre balcon de louage, regardant s'assombrir les montagnes bleuâtres et écoutant les grillons chanter. Le lendemain, 3e jour de notre voyage qui se faisait par étapes, nous prêtâmes une voiture drôle pour nous faire conduire dans la petite ville, bien perdue en ce temps-là, où nos cousins habitaient. Par des défilés, des ravins, des traverses. 5 heures de route, pendant lesquelles tout fut enchantement pour moi. En plus de la nouveauté de ces montagnes, il y avait aussi des changements complets dans toutes choses. Le sol, les pierres, prenaient une ardente couleur rouge. Au lieu de nos villages, toujours si blanches sous leur couche de chaux neigeuse, et toujours si bas, comme n'osant pas s'élever au milieu de l'immense uniformité des plaines, Ici, les maisons rougeâtres autant que les rochers se dressaient en vieux pignons, en vieilles tourelles, et se perchaient bien haut sur les sommets des collines. Les paysans plus bruns parlaient un langage incompréhensible, et je regardais surtout ces femmes qui marchaient avec un balancement de hanches inusité chez nos paysannes, portant sur leur tête des fardeaux, des gerbes ou de grandes buires de cuivre brillant. Toute mon intelligence était tendue, vibrante, dangereusement charmée par cette première révélation d'aspect étranger et inconnu. Vers le soir, au bord d'une de ces rivières du Midi qui bruissent sur des lits plats de galets blancs, nous arrivâmes à la petite ville singulière qui était le but de notre voyage. Elle avait encore ses vieilles portes ogivales, ses hauts remparts à mâchicoulis, ses rues bordées de maisons gothiques, et le rouge de sanguine était la teinte générale de ses murailles. Un peu intrigués et émus, nous cherchions des yeux ses cousins dont nous ne connaissions même pas les portraits, et qui sans doute guettaient notre arrivée, viendraient à notre rencontre. Tout à coup, nous vîmes paraître un grand jeune homme donnant le bras à une jeune fille en robe de mousseline blanche. Alors, sans la moindre hésitation réciproque, nous échangeâmes un signe de reconnaissance. Nous nous étions retrouvés. À leur porte, sur les marches de leur seuil, l'oncle et la tante nous attendaient, accueillants, et tous deux ayant conservé dans leur vieillesse déjà grise les traces d'une remarquable beauté. Ils avaient une vieille maison Louis XIII, à l'angle de l'une de ces places régulières, entourées de porches comme on en voit dans beaucoup de petites villes du Midi. On entrait d'abord dans un vestibule dallé de pierre un peu rose et orné d'une énorme fontaine de cuivre rouge. Un escalier des mêmes pierres, très large comme un escalier de château, avec une curieuse rampe en fer forgé, menait aux appartements en boiserie ancienne de l'étage supérieur. Et le passé, dont ces choses évoquaient le souvenir, je le sentais différent de celui de la Saintonge et de l'île, le seul avec lequel je me fusse un peu familiarisé jusqu'à ce jour. Après dîner, nous allâmes nous asseoir tous ensemble au bord de la rivière bruissante, sur une prairie, parmi des centaurées et des marjolaines qu'on devinait dans l'obscurité à leur pénétrante odeur. Il faisait très chaud, très calme, et d'innombrables grillons chantaient. Il me sembla aussi que je n'avais encore vu une nuit si limpide, ni tant d'étoiles dans du bleu si profond. La différence en latitude n'était cependant pas bien grande, mais les brises marines qui attiédissent nos hivers embrument aussi parfois nos soirées d'été. Donc, ce ciel étoilé pouvait être plus pur en effet que celui de mon pays, plus méridional. Et autour de moi montaient dans l'air de grandes silhouettes bleuâtres que je ne pouvais me lasser de contempler. Les montagnes jamais vues, me donnant cette impression de dépaysement que j'avais tant désiré, m'indiquant que mon premier petit rêve était bien réellement accompli. Je devais revenir passer plusieurs étés dans ce village et m'y acclimater au point d'apprendre le patois méridional que les bonnes gens y parlaient. En somme, les deux pays de mon enfance ont été la Saintonge et celui-là, ensoleillés tous deux. La Bretagne que beaucoup de gens me donnent pour patrie, je ne l'ai vue que bien plus tard, à 17 ans, et j'ai été très long à l'aimer, ce qui fait sans doute que je l'ai aimée davantage. Elle m'avait causé d'abord une oppression et une tristesse extrême. Ce fut mon frère Yves qui commença à m'initier à son charme mélancolique, de me faire pénétrer dans l'intimité de ses chaumières et de ses chapelles des bois. Et ensuite, l'influence qu'une jeune fille du pays de Tréguier exerça sur mon imagination, très tard, vers mes 27 ans, décida tout à fait mon amour pour cette patrie adoptée. Le lendemain de mon arrivée chez l'oncle du Midi, on me présenta comme camarade les petits Pirales, qui portaient, suivant l'usage du pays, des surnoms précédés d'un article déterminatif. C'était la Marissette et la Titi, deux petites filles de 10 à 11 ans, toujours des petites filles, et le Médou, leur frère cadet, presque un bébé qui comptait peu. Comme j'étais en somme plus enfant que mes 12 ans, Malgré ces aperçus que j'avais peut-être sur des choses situées au-delà du champ ordinaire de la vue des petits, nous formâmes tout de suite une bande des plus sympathiques, et notre association dura même plusieurs étés. Sur tous les coteaux d'alentour, le père de ces petits Peyrals possédait des bois, des vignes, où nous devînmes les maîtres absolus. Personne n'y contrôlait nos entreprises, même les plus saugrenues. Dans ce village en pleine campagne, où nos familles étaient si respectées par les paysans d'alentour, on jugeait qu'il n'y avait aucun inconvénient à nous laisser errer à l'aventure. Nous partions donc, tous les quatre, dès le matin, pour des expéditions mystérieuses, pour des dînettes dans les vignes éloignées ou des chasses aux papillons introuvables, enrôlant même quelquefois des petits paysans quelconques, toujours prêts à nous suivre avec soumission. Et après la surveillance de tous les instants, à laquelle j'avais été habituée jusque-là, une liberté pareille devenait un changement délicieux. Une vie toute nouvelle d'indépendance et de grand air commençait pour moi dans ces montagnes. Mais je pourrais presque dire que c'était la continuation de ma solitude, car j'étais l'aînée de ces enfants qui partageaient mes jeux très fantasques, et il y avait des abîmes entre nous dans le domaine des conceptions intellectuelles, du rêve. J'étais d'ailleurs le chef incontesté de la troupe. La Titi, seule, avec quelques révoltes, tout de suite apaisée. Gentiment, ils ne songeaient tous qu'à me faire plaisir, et cela m'allait de dominer ainsi. C'est la première petite bande que j'ai menée. Plus tard, pour mes amusements, j'en ai eu bien d'autres, moins faciles à conduire. Mais de tout temps, j'ai préféré les composer ainsi d'être plus jeune que moi, plus jeune d'esprit surtout, plus simple, ne contrôlant pas mes fantaisies et ne souriant jamais de mes enfantillages. Comme devoir de vacances, on m'avait simplement imposé de lire Télémaque. Mon éducation, on le voit, avait des côtés un peu surannés. C'était dans une petite édition du XVIIIe siècle, en plusieurs volumes. Et, par extraordinaire, cela ne m'ennuyait pas trop. Je voyais assez nettement la Grèce, la blancheur de ses marbres sous son ciel pur, et mon esprit s'ouvrait à une conception de l'Antiquité qui était bien plus païenne, sans doute, que celle de Fénelon, Calypso et ses nymphes me charmaient. Pour lire, je m'isolais des petits Peyrals quelques instants chaque jour, dans deux endroits de prédilection, le jardin de mon oncle et son grenier. Sous la haute toiture Louis XIII, dans toute la longueur de la maison, s'étendait ce grenier immense, aux lucarnes toujours fermées, constamment obscures. Les vieilleries des siècles passés, qui dormaient là, sous de la poussière et des arentelles, m'avaient attiré dès les premiers jours. Puis, peu à peu, j'avais pris l'habitude d'y monter clandestinement, avec mon Télémaque, après le dîner de midi, sûr qu'on ne viendrait pas m'y chercher. À cette heure d'ardent soleil, il semblait par contraste qu'il y fît presque nuit. J'ouvrais sans bruit l'auvent d'une des lucarnes, d'où jaillissait alors un flot d'éblouissante lumière. Puis, m'avançant sur le toit, je m'accoudais contre les vieilles ardoises chaudes garnies de mousse dorée et je me mettais à lire. À portée de ma main séchaient sur ce même toit des milliers de prunes d'Agen, provisions d'hiver étalées dans des claies en roseaux. Surchauffées au soleil, ridées, cuites et recuites, elles étaient esquises. Elles embaumaient tout le grenier de leur odeur. Et des abeilles, des guêpes qui en mangeaient à discrétion comme moi, tombaient alentour les pattes en l'air, pâmées d'aise et de chaleur. Et sur tous les toits centenaires du voisinage, entre tous les vieux pignons gothiques, d'autres claies semblables apparaissaient, jusque dans le lointain, couvertes des mêmes prunes, visitées par les mêmes bourdonnantes abeilles. On voyait aussi, en enfilade, les deux rues qui aboutissaient à la maison de mon oncle. Bordées de maisons du Moyen-Âge, elles se terminaient chacune par une porte ogivale percée dans le haut mur d'enceinte en pierre rouge. Tout le village était alourdi et chaud, silencieux dans la torpeur du midi d'été. On n'entendait que le bruit confus des innombrables poules et des innombrables canards picorant les immondices desséchées des rues. Et au loin, les montagnes, inondées de soleil, s'élevaient dans l'immobile ciel bleu. Je lisais Télémaque à très petite dose. 3 ou 4 pages suffisaient à ma curiosité et mettaient du reste ma conscience en repos pour la journée. Puis, vite, je descendais retrouver mes petits amis et nous partions ensemble pour les vignes et pour les bois. Ce jardin de mon oncle, dont je faisais aussi un lieu de retraite, n'attenait pas à la maison. Il était, comme tous les autres jardins, situé en dehors des remparts gothiques du village. Des murs assez hauts l'entouraient, et on y entrait par une antique porte ronde que fermait une énorme clé. Un certain jour, j'allais m'isoler là, emportant Télémaque et ma papillonnette. Il y avait plusieurs pruniers d'où tombaient trop mûrs, sur la terre brûlante, ces mêmes délicieuses prunes qu'on mettait séchées sur les toits. Le long des vieilles allées couraient des vignes dont les raisins musqués étaient dévorés par des légions de mouches et d'abeilles. Et tout le fond, car il était très grand ce jardin, était abandonné à des luzernes comme un simple champ. Le charme de ce vieux verger était de s'y sentir enclos, enfermé à double tour, absolument seul dans beaucoup d'espace et de silence. Et enfin, il me faut parler de certains berceaux qui s'y trouvaient et où se passa, 2 étés plus tard, le fait capital de ma vie d'enfant. Il était adossé au mur d'enceinte et couvert d'une treille de muscat toujours grillée par le soleil. Il me donnait, sans que je pusse bien définir pourquoi, une impression de pays chaud. Et en effet, dans des jardinets des colonies, j'ai vraiment retrouvé plus tard ces mêmes senteurs lourdes et ces mêmes aspects. Il était visité de temps en temps par des papillons rares, jamais rencontrés ailleurs, qui, vus de face, étaient tout simplement jaunes et noirs, mais qui, regardés en côté, luisaient de beaux reflets de métal bleu, tout à fait comme ces exotiques de la Guyane, piqués dans les vitrines de l'oncle au musée. Très méfiant, très difficile à attraper, il se posait un instant sur les graines parfumées des muscats, puis se sauvait par-dessus le mur. Moi, alors, mettant un pied dans une brèche des pierres, je me hissais jusqu'au faîte pour les regarder fuir à travers la campagne accablée et silencieuse. Et je restais là un long moment, accoudé en contemplation des lointains. Tout autour de l'horizon s'élevaient les montagnes boisées, ayant çà et là des débris de châteaux, des tours féodales sur leurs cimes. Et en avant, au milieu des champs de maïs ou de blé noir, apparaissait le domaine de Boris, avec son vieux porche cintré, le seul des environs qui fut blanchi à la chaux, comme une entrée de ville d'Afrique. Ce domaine, m'avait-on dit, appartenait au petit de Saint-Hermengarde, de futurs compagnons de jeu dont on m'annonçait l'arrivée prochaine, mais que je redoutais presque de voir venir, tant ma bande avec les petits pirales me semblait suffisante et bien choisie. Castelnau, c'est un nom ancien qui évoque pour moi des images de soleil, de lumière pure sur des hauteurs, de calme mélancolique dans des ruines, de recueillement devant des splendeurs mortes ensevelies depuis des siècles. Sur une des montagnes boisées environnantes, ce vieux château de Castelnau était perché, découpant en l'air l'amas rougeâtre de ses terrasses, de ses remparts, de ses tours et de ses tourelles. Du jardin de mon oncle, on le voyait, passant sa tête lointaine au-dessus des murs d'enceinte. C'était du reste le point marquant dans tout le pays d'alentour, la chose qu'on regardait malgré soi de partout. Cette dentelure de pierre de couleur de sanguine émergeant d'un fouillis d'arbres, cette ruine posée en couronne sur un piédestal garni d'une belle verdure de châtaigniers et de chênes. Dès le jour de mon arrivée, j'avais aperçu cela du coin de l'œil, très étonné et attiré par ce vieux nid d'aigle, qui avait dû être tellement superbe au sombre Moyen-Âge. Or, c'était précisément une coutume d'été dans la famille de mon oncle de s'y rendre 2 ou 3 fois par mois, pour dîner et passer la journée chez le propriétaire. Un vieux prêtre

certaines chambres avec poutrelles bleues de roi, semées de rosaces et de blasons d'or. Aucun lieu ne m'a jamais apporté une plus intime impression de Moyen-Âge. Au milieu de ce silence de nécropole, accoudé là, seul, à une petite fenêtre aux épaisses parois, je contemplais le lointain verdoyant d'en dessous, cherchant à me représenter sur ces sentiers aperçus à vol d'oiseau des chevauchées d'hommes d'armes ou des cortèges de nobles châtelaines en hainin. Et pour moi, élevé dans les plaines unies, un des plus singuliers charmes de ce lieu était ce grand vide bleuâtre des lointains, qu'on apercevait par toutes les ouvertures, meurtrières, trous quelconques des appartements ou des tours, et qui, tout de suite, me donnait le sentiment si nouveau des excessives hauteurs. Les lettres de mon frère, écrites serrées sur leur papier très mince, continuaient d'arriver de temps à autre, sans régularité, au hasard des navires à voile qui passaient par là-bas, dans le grand océan. Il y en avait de particulières pour moi, de bien longues même, avec d'inoubliables descriptions. Déjà, je savais plusieurs mots de la langue d'Océanie aux consonances douces. Dans les rêves de mes nuits, je voyais souvent l'île délicieuse et m'y promenais. Elle hantait mon imagination comme une patrie chimérique, désirée ardemment mais inaccessible, située sur une autre planète. Or, pendant notre séjour chez les cousins du Midi, une de ces lettres à mon adresse me parvint, réexpédiée par mon père. J'allais la lire sur le toit du grenier, du côté où séchaient les prunes. Il me parlait longuement d'un lieu appelé Fatahua, qui était une vallée profonde entre d'abruptes montagnes. Une demi-nuit perpétuelle y régnait sous de grands arbres inconnus, et la fraîcheur des cascades y entretenait des tapis de fougères rares. Oui, j'entrevoyais cela très bien. Beaucoup mieux, à présent que j'avais, moi aussi, autour de moi, des montagnes et des vallées humides remplies de fougères. Du reste, c'était décrit d'une façon précise et complète. Il ne se doutait pas, mon frère, de la séduction dangereuse que ces lettres exerçaient déjà sur l'enfant qu'il avait laissé si attaché au foyer familial, si tranquille, si religieux. C'était seulement dommage, me disait-il en terminant, que l'île délicieuse n'eût pas une porte de sortie donnant quelque part sur la cour de notre maison, sur le grand berceau de chèvrefeuille, par exemple, derrière les grottes du bassin. Cette idée d'une sortie dérobée ouvrant dans le mur de notre fond de cour, ce rapprochement surtout entre ce petit bassin construit par mon frère et la lointaine Océanie, me frappèrent singulièrement. Et la nuit suivante, voici quel fut mon rêve. J'entrais dans cette cour. C'était par un crépuscule de mort, comme après que le soleil se serait éteint pour jamais. Il y avait dans les choses, dans l'air, une de ces indicibles désolations de rêve qu'à l'état de veille on n'est même plus capable de concevoir. Arrivé au fond, près de ce petit bassin tant aimé, je me sentis m'élever de terre comme un oiseau qui prend son vol. D'abord, je flottais indécis comme une chose trop légère. Puis je franchis le mur vers le sud-ouest, dans la direction de l'Océanie. Je ne me voyais point d'elle, et je volais couché sur le dos, dans une angoisse de vertige et de chute. Je prenais une effroyable vitesse, comme celle des pierres de fronde, des astres fous tournoyant dans le vide. Au-dessous de moi fuyaient des mers et des mers, blêmes et confuses, toujours par ce même crépuscule de monde qui va finir. Et après quelques secondes, subitement, les grands arbres de la vallée de Fatahua m'entourèrent dans l'obscurité. J'étais arrivé. Là, dans ce site, je continuais de rêver, mais en cessant de croire à mon rêve, tant l'impossibilité d'être jamais réellement là-bas s'imposait à mon esprit. Et puis, trop souvent, j'avais été dupe de ces visions-là, qui s'en allaient toujours avec le sommeil. Je redoutais seulement de me réveiller, tant cette illusion, même incomplète, me ravissait ainsi. Cependant, les tapis de fougères rares étaient bien là, dans la nuit plus épaisse, presque à tâtons. J'en cueillais en me disant, Au moins, ces plantes, elles doivent être réelles après tout, puisque je les touche, puisque je les ai dans ma main. Elles ne pourront pas s'envoler quand mon rêve s'évanouira. Et je l'essaierai de toutes mes forces pour être plus sûre de les retenir. Je me réveillais. Le beau jour d'été se levait. Dans le village, les bruits de la vie étaient commencés. Le continuel jacassement des poules, des gens en promenade par les rues, et le va-et-vient du métier des tisserands, me rendant du premier coup la notion du lieu où j'étais. Ma main vide restait encore fermée, crispée, les ongles presque marqués sur la chair, pour mieux garder l'imaginaire bouquet de Fataua, l'impalpable rien du rêve. Très vite, je m'étais attachée à mon grand cousin et à ma grande cousine de là-bas, les tutoyant comme si je les avais toujours connus. Je crois qu'il faut le lien du sang pour créer de ces intimités d'emblée, entre gens qui, la veille, ignoraient même l'existence les uns des autres. J'aimais aussi mon oncle et ma tante surtout, qui me gâtait un peu, qui était extrêmement bonne et belle à regarder encore, malgré ses 60 ans, malgré ses cheveux tout gris, sa mise de grand-mère. Elle était une personne comme il n'en existera bientôt plus, à notre époque où tout se nivelle et tout se ressemble. Née dans les environs d'une des familles les plus anciennes, elle n'était jamais sortie de cette province de France. Ses manières, son hospitalité aimable, sa courtoisie portaient un cachet local et ce détail était pour me plaire. Par opposition avec mon petit passé calfeutré, je vivais ici complètement dehors, dans les chemins, sur les portes, dans les rues. Et elles étaient étranges et charmantes pour moi, ces rues étroites, pavées de cailloux noirs comme en Orient, et bordées de maisons gothiques ou Louis XIII. Je connaissais à présent tous les recoins, places, carrefours, ruelles de ce village, et la plupart des bonnes gens campagnards qui y habitaient. Ces femmes qui passaient devant la maison de mon oncle, paysannes avec des goîtres, revenant des champs et des vignes avec des corbeilles de fruits sur la tête, s'arrêtaient toujours pour m'offrir les raisins les plus dorés, les plus délicieuses pêches. Et j'étais charmée aussi de ce patois méridional, de ces champs montagnards, de tout cet incontestable dépaysement dont l'impression me revenait de partout à la fois. Encore aujourd'hui, quand il m'arrive de jeter les yeux sur quelqu'un de ces objets que je rapportais de là-bas pour mon musée, ou sur quelqu'une de ces petites lettres que j'écrivais chaque jour à ma mère, je sens tout à coup comme du soleil, de l'étrangeté neuve, des odeurs de fruits du midi, de l'air vif de montagne. Et je vois bien alors qu'avec mes longues descriptions dans ces pages mortes, je n'ai rien su mettre de tout cela. Ces petits de Saint-Hermengarde, dont on m'avait depuis si longtemps parlé, arrivèrent à la mi-septembre. Leur château de Saint-Hermengarde était situé au nord, du côté de la Corrèze. Et ils venaient tous les ans passer ici l'automne, dans un très vieil hôtel délabré qui touchait à l'habitation de mon oncle. Deux garçons cette fois, et un peu mes aînés. Mais contrairement à ce que j'avais craint, leur compagnie me plut tout de suite. Habitués à vivre une partie de l'année à la campagne sur leur terre, ils avaient déjà des fusils, de la poudre. Ils chassaient. Ils apportèrent donc dans mes jeux une note tout à fait nouvelle. Leur domaine de Borig devint un de nos centres d'opération. Là, tout était à nos ordres. Les gens, les bêtes et les granges. Et un de nos amusements favoris pendant cette fin de vacances fut de construire d'énormes ballons de papier de 2 ou 3 mètres de haut que nous gonflions en brûlant au-dessous des gerbes de foin. Et puis que nous regardions s'élever, partir, se perdre au loin dans les champs ou les bois. Mais ces petits de Saint-Hermengarde étaient eux aussi des enfants un peu à part, élevés par un précepteur dans des idées différentes de celles qui se prennent au lycée. Quand il y avait divergence d'avis entre nous pour ces jeux, c'était à qui céderait par courtoisie. Et alors leur contact ne pouvait guère me préparer au froissement de l'avenir. Or, un jour, ils vinrent gentiment me faire cadeau d'un papillon fort rare. le citron aurore, qui est d'un jaune pâle un peu vert, comme le citron commun, mais qui porte sur les ailes supérieures une sorte de nuage délicieusement rose, d'une teinte de soleil levant. C'était, disait-il, dans leur domaine de Borie, sur les regains d'automne qu'il venait de le prendre. Avec tant de précaution, du reste, qu'aucune trace de leurs doigts n'apparaissait sur ces couleurs fraîches. Et quand je le reçus de leurs mains, vers midi, dans le vestibule de la maison de mon oncle, toujours fermé dans la journée à cause de la lourde chaleur du dehors, on entendait, à la cantonade, mon grand cousin qui chantait d'une voix atténuée en fausset plaintif de montagnard. Il se faisait quelquefois cette voix-là, qui me causait maintenant une mélancolie étrange dans le silence des derniers midis de septembre. Et c'était toujours pour recommencer la même vieille chanson. Ah, oh, la bonne histoire, qui laissait aussitôt mourir sans l'achever jamais. À partir de ce moment, donc, le domaine de Borie, le papillon aurore et le petit refrain mélancolique de la bonne histoire furent inséparablement liés dans mon souvenir. Vraiment, je crains de parler trop souvent de ces associations incohérentes d'images qui m'étaient jadis si habituelles. C'est la dernière fois. Je n'y reviendrai plus. Mais on verra combien il était important, pour ce qui va suivre, de noter encore cette association-là. Nous revînmes au commencement d'octobre. Mais un événement bien pénible pour moi marqua ce retour. On me mit au collège. Comme externe, bien entendu. Et encore allait-il sans dire que je serais toujours conduit et ramené par crainte des mauvaises fréquentations. Mon temps d'études universitaires devait se réduire à 4 années de l'externat le plus libre et le plus fantaisiste. Mais c'est égal. À partir de cette date fatale, mon histoire se gâte beaucoup. La rentrée était à 2 heures de l'après-midi. Et par une de ces délicieuses journées d'octobre chaudes, tranquillement ensoleillés, qui sont comme un adieu très mélancolique de l'été. Il eût fait si beau, hélas, là-bas sur les montagnes, dans les bois effeuillés, dans les vignes roussies. Au milieu d'un flot d'enfants qui parlaient tous à la fois, je pénétrais dans ce lieu de souffrance. Ma première impression fut toute d'étonnement et de dégoût, devant la laideur des murs barbouillés d'encre et devant les vieux bancs de bois luisants, usés, tailladé à coups de canif, où l'on sentait que tant d'écoliers avaient souffert. Sans me connaître, ils me tutoyaient, mes nouveaux compagnons, avec des airs protecteurs ou même narquois. Moi, je les dévisageais timidement, les trouvant effrontés et pour la plupart fort mal tenus. J'avais 12 ans et demi et j'entrais en 3e. Mon professeur particulier avait déclaré que j'étais de force à suivre, si je voulais, bien que mon petit savoir fût très inégal. On composait ce premier jour, en version latine, pour le classement d'entrée, et je me rappelle que mon père m'attendait lui-même, assez anxieusement, à la sortie de cette séance d'essai. Je lui répondis que j'étais second sur 15. Étonné qu'il parût attacher tant d'importance à une chose qui m'intéressait si peu. Ça m'était bien égal à moi, navré comme j'étais. En quoi ce détail pouvait-il m'atteindre ? Plus tard, du reste, je n'ai pas connu davantage l'émulation. Être dernier m'a toujours paru le moindre des maux qu'un collégien est appelé à souffrir. Les semaines qui suivirent furent affreusement pénibles. Vraiment, je sentais mon intelligence se rétrécir sous la multiplicité des devoirs et des pensums. Même le champ de mes petits rêves se fermait peu à peu. Les premiers brouillards, les premières journées grises ajoutaient à tout cela leur désolée tristesse. Les ramoneurs savoyards étaient aussi revenus, poussant leurs cris d'automne, qui déjà, les années précédentes, me serraient le cœur à me faire pleurer. Quand on est enfant, l'approche d'un hiver amène des impressions irraisonnées de fin de toute chose, de mort par le sombre et par le froid. Les durées semblent si longues, à cet âge, on n'entrevoit même pas le renouveau d'après qui ramènera tout. Non, c'est quand on est déjà pas mal avancé dans la vie et qu'il faudrait au contraire faire plus de cas de ces saisons comptées, c'est seulement alors qu'on regarde un hiver comme rien. J'avais un calendrier où j'effaçais lentement les jours. Vraiment, au début de cette année de collège, j'étais oppressée par la perspective de tant de mois et de mois interminables comme ils étaient alors, dont il faudrait subir le passage avant d'atteindre seulement ces vacances de Pâques, ce répit de 8 jours dans l'ennui et la souffrance. J'étais sans courage. Parfois, j'avais des instants de désespoir devant la longueur traînante du temps. Bientôt le froid, le vrai froid, vint, aggravant encore les choses. Oh, ces jours du collège, les matins de décembre, quand pendant 2 mortelles heures on s'était chauffé à l'horrible charbon de terre et qu'il fallait subir le vent glacé de la rue pour rentrer chez soi. Les autres petits gambadaient, sautaient, se poussaient, savaient faire des glissades quand par hasard les ruisseaux étaient gelés. Moi, je ne savais pas. Et puis cela m'eût semblé de la plus haute inconvenance. Du reste, on me ramenait et je revenais posément, transi, humilié d'être conduit, raillé quelquefois par les autres, pas populaire parmi ceux de ma classe et dédaigneux de ces compagnons de chaîne avec lesquels je ne me sentais pas une idée commune. Le jeudi même, il y avait des devoirs qui duraient tout le jour, des pensums aussi, d'absurdes pensums que je bâclais d'une affreuse écriture déformée, ou par lesquels j'essayais toutes les ruses écolières, décalcages et porte-plumes à 5 becs. Et dans mon dégoût de la vie, je ne me soignais même plus. Je recevais maintenant des remontrances pour être mal peignée, pour avoir les mains sales, d'encre sentant. Mais si j'insistais, je finirais par mettre dans mon récit tout le pâle ennui de ce temps-là. Gâteau, gâteau, mes bons gâteaux tout chauds. Elle avait repris ses courses nocturnes, son pas rapide et son refrain, la bonne vieille marchande, régulière comme un automate. Elle passait avec le même empressement aux mêmes heures. Et les longues veillées d'hiver étaient recommencées, pareilles à celles de tant d'années précédentes, pareilles encore à celles de 2 ou 3 années qui suivirent. À 8 heures toujours, les dimanches soirs, arrivaient nos voisins les Dés avec Lucette, et d'autres voisins aussi, avec une toute petite fille appelée Marguerite qui venait de se glisser dans mon intimité. Cette année-là, un nouveau divertissement fut inauguré pour la clôture de ces soirées des dimanches d'hiver sur lesquelles flottait, plus attristante que jamais, la pensée des devoirs du lendemain. Après le thé, quand je pressentais que c'était fini, qu'on allait partir, j'entraînais cette petite Marguerite dans la salle à manger. Et nous nous mettions à courir comme des fous autour de la table ronde, faisant à qui attraperait l'autre, avec une espèce de rage. Elle était tout de suite attrapée, cela va sans dire, moi presque jamais. Aussi était-ce toujours elle qui poursuivait, et avec acharnement, en frappant des mains sur la table, en criant, en menant un tapage d'enfer. À la fin, les tapis étaient retournés, les chaises dérangées, tout au pillage. Nous trouvions cela stupide, nous les premiers. Et c'était du reste beaucoup plus enfant que mon âge. Je ne savais même rien de mélancolique comme ce jeu des fins de dimanche, sur lequel planait l'effroi de recommencer demain matin la pénible série des classes. C'était simplement une manière de prolonger, in extremis, cette journée de trêve. Une manière de m'étourdir à force de bruit. C'était aussi comme un défi jeté à ces devoirs qui n'étaient jamais faits, qui pesaient sur ma conscience, qui troubleraient bientôt mon sommeil, et qu'il faudrait bâcler avec fièvre demain matin dans ma chambre, à la lueur d'une bougie, ou à l'aube grise et glacée, avant l'heure odieuse de repartir pour le collège. On était un peu consternés au salon d'entendre de loin cette bacchanale, de voir surtout qu'elle m'amusait maintenant plus que les sonates à 4 mains, plus que la belle bergère ou les propos discordants. Et ce tournoiement triste autour de cette table fut recommencé tous les dimanches, sur la pointe de 6h30, pendant au moins 2 hivers. Le collège ne me valait rien décidément, et encore moins les pensums. Tout cela, qui m'avait pris trop tard et à rebours, me diminuait, m'éteignait, m'abêtissait. Même au point de vue du frottement avec mes pareils, Le but qu'on avait cru atteindre était manqué aussi complètement que possible. Peut-être si j'avais partagé leur jeu et leur bousculade. Mais je ne les voyais jamais qu'en classe, sous la férule des professeurs. C'était insuffisant. J'étais déjà devenue un petit être trop spécial pour rien prendre de leur manière. Alors je m'enfermais et m'accentuais encore plus dans la mienne. Presque tous plus âgés et plus développés que moi, ils étaient beaucoup plus délurés aussi. Et plus avancés pour les choses pratiques de la vie. De là, chez eux, une sorte de pitié et d'hostilité vis-à-vis de moi, que je leur rendais en dédain, sentant combien ils auraient été incapables de me suivre dans certaines envolées de mon imagination. Avec les petits paysans des montagnes ou les petits pêcheurs de l'île, je n'avais jamais été fière. Nous nous entendions par des côtés communs de simplicité un peu primitive et d'extrême enfantillage. À l'occasion, j'avais joué avec eux comme avec des égaux, tandis que j'étais fière avec ces enfants du collège, qui eux me trouvaient bizarre et poseur. Il m'a fallu bien des années pour corriger cet orgueil, pour redevenir simplement quelqu'un comme tout le monde, surtout pour comprendre qu'on n'est pas au-dessus de ses semblables, parce que, pour son propre malheur, on est prince et magicien dans le domaine du rêve.